إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue ce soir la lecture et l'explication du livre intitulé Le mérite de l'islam, écrit par l'éminent cheikh, l'imam Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous avons vu dans les cours précédents les deux premiers chapitres sur le mérite de l'islam et l'obligation d'entrer dans cette religion. Nous allons voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, le troisième chapitre qu'il a intitulé « L'explication de l'islam », c'est-à-dire l'explication de la réalité de l'islam et de son sens. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposé cela afin que le musulman comprenne la réalité de la religion à laquelle il adhère et que nul parmi nous ne prétende être sur l'islam alors qu'il fait des choses s'opposant à l'islam. En effet, si tu médites sur la situation de ceux qui s'affilient à l'islam aujourd'hui, tu verras que la plupart des groupes, la plupart des sectes prétendent être sur l'islam authentique et que ce sur quoi sont les autres est le faux et doit être délaissé. C'est pour cela que le musulman a besoin de savoir qu'est-ce que la réalité de l'islam, qu'est-ce que la réalité de cette religion. Et ce afin d'être sûr de suivre la bonne voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'emprunter. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam nous a été exposé de manière claire et évidente dans les textes du Coran et de la Sunnah. Et quoi qu'il en soit, l'islam n'est pas une simple affiliation. Et l'islam n'est pas une prétention. Il ne suffit pas de dire « je suis musulman » pour avoir réellement concrétisé l'islam. Il ne suffit pas d'avoir des parents ou des ancêtres musulmans pour avoir concrétisé réellement l'islam. Mais le musulman, c'est celui qui se cramponne réellement à la religion de l'islam telle qu'elle a été exposée dans les textes du Coran et de la Sunnah. Il est donc obligatoire pour chacun d'entre nous d'apprendre ce qu'est l'islam et de l'apprendre de ses sources sûres, qui sont le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la Sunnah authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont les deux sources sûres de notre religion. Et l'islam est défini de deux manières, d'une manière générale et d'une manière plus particulière. Dans son sens général, l'islam est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par l'unicité, c'est-à-dire le fait de se soumettre à lui en lui vouant un culte exclusif. La sujétion à lui en lui obéissant, c'est-à-dire de se soumettre à ses ordres et de délaisser ses interdits, et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. C'est sur ces trois bases fondamentales que repose l'islam dans son sens général. Pourquoi dit-on dans son sens général? Car en ce sens, l'islam est la religion de l'ensemble des prophètes et des messagers alayhim salatu wassalam, et ceux de Nuh jusqu'à Muhammad alayhim salatu wassalam. Tous ont appelé à cet islam, tous ont appelé à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, tous ont appelé à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et tous ont appelé au désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Donc ceci est la réalité de l'islam dans son sens général. Et dans son sens particulier, l'islam est la religion avec laquelle a été envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'islam est mentionné avec al-iman et al-ihsan, avec la foi et la bienfaisance, alors il prend un sens encore plus particulier et désigne les cinq piliers de l'islam, comme cela est venu dans le célèbre hadith de Jibril alayhi salam, dont on va voir une partie aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Donc dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné un verset du livre d'Allah, ainsi que quatre hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin de nous exposer le sens réel de l'islam. Le verset qu'il a mentionné est une partie du verset 20 de Sourate Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. S'ils te contredisent, dis-leur: j'ai soumis mon visage à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Donc dans ce verset, on retrouve le sens de l'islam dans son sens général. Aslamtu wajhi lillah. J'ai soumis mon visage à Allah. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je lui voue un culte exclusif, que mes adorations ne sont vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui, et que je me désavoue du polythéisme et de ses adeptes, et que je renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Telle est la réalité de l'islam dans son sens général. Que le musulman soumette son visage à Allah, qu'il voue l'ensemble de ses œuvres à Allah, et qu'il n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Quant à celui qui commet du polythéisme, qui adore autre qu'Allah, qui invoque les morts, qui invoque les saints, qui se rend auprès des tombes et voue des sacrifices aux morts, celui-ci, même s'il prétend être musulman et qu'il dit « je suis musulman », en réalité, il n'est pas musulman. Pourquoi? Car il n'a pas soumis son visage à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne voue pas un culte exclusif à Allah, mais il adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il invoque autre qu'Allah, il invoque les morts, il voue des sacrifices aux morts, il fait des vœux pour les morts, et ainsi de suite parmi les différentes formes de polythéisme majeur que les adorateurs de tombes vouent au wali, au saint ou je ne sais quoi. Le véritable musulman, c'est celui qui soumet son visage à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui voue un culte exclusif, et qui suit en cela le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car tu ne pourras concrétiser l'islam qu'en suivant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam pourrait donc être défini d'une autre manière comme étant le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on retient de ce verset que la réalité de l'islam consiste à vouer un culte exclusif à Allah et à renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui adore autre qu'Allah ou qui voue une quelconque adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci, il n'est pas musulman, car il n'a pas concrétisé la réalité de l'islam qui est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith et il a dit, et dans l'authentique, c'est-à-dire ici dans l'authentique de l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'islam est que tu attestes qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu acquittes la zakat, que tu jeûnes Ramadan et que tu fasses le pèlerinage de la maison, si tu en as les capacités. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce hadith ici, car celui-ci nous démontre la réalité de l'islam dans son sens particulier. C'est-à-dire que la religion avec laquelle a été envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est basée sur ces cinq piliers qui sont mentionnés dans ce hadith. Et ce hadith est un passage du célèbre hadith Jibril alayhi salam. Lorsque l'ange Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un homme et qu'il l'a questionné au sujet de l'islam, au sujet de l'iman, au sujet de la foi, puis au sujet de l'ihsan, la bienfaisance. Donc lorsqu'il lui a demandé qu'est-ce que l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini l'islam de cette manière en disant l'islam et que tu attestes qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Que tu attestes en la ilaha illallah. Et que Muhammad est le messager d'Allah. Que tu accomplisses la prière, que tu acquittes la zakat, que tu jeûnes Ramadan et que tu fasses le pèlerinage de la maison si tu en as les capacités. Donc ces cinq piliers sont les cinq piliers de la religion de l'islam. Le premier de ces piliers est la double attestation de foi. Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et il est important de savoir que l'attestation de foi, ce ne sont pas de simples mots que tu prononces avec ta langue. Mais il est indispensable que ces mots que tu prononces avec ta langue, tu en aies la ferme conviction dans ton cœur. C'est-à-dire que lorsque tu prononces ces mots et que tu dis « J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah », tu dois avoir la ferme conviction que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est faux, et que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. Tu ne dois pas avoir de doute à ce sujet. Il est donc nécessaire pour toi de connaître le sens réel de cette attestation, et également que tu mettes en pratique ce qu'implique cette attestation. Et celle-ci implique que tu voues un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu délaisses toute forme de polythéisme. Donc celui qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah », puis qui ensuite se rend auprès des tombes et des mausolées, et invoque les morts, fait des sacrifices pour les morts, voue des vœux aux morts, celui-ci, cette parole, elle ne lui est d'aucun profit. Car il s'oppose au sens de cette parole en commettant du polythéisme majeur. Il est donc nécessaire pour le musulman qui souhaite concrétiser l'islam d'apprendre le sens de cette parole sur laquelle repose l'ensemble de sa religion. Et savoir que cette attestation implique nécessairement le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, de vouer toutes nos adorations à Allah et de délaisser toute forme de polythéisme et de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. La deuxième partie de l'attestation, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Également, il est nécessaire pour chacun d'entre nous de comprendre le sens de cette attestation. Qu'est-ce que cela implique? Lorsque tu dis que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie que tu dois croire en tout ce dont il nous a informés. Mais également, cela signifie que tu te dois d'obéir à ses ordres, de délaisser ce qu'il a interdit et réprimandé, et également de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière qu'il a légiféré. Donc, tu te dois de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de suivre sa sunna, et de délaisser les innovations et les choses nouvellement instaurées en religion. Car le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, doit être ton modèle, et tu ne dois suivre nul autre que lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet au verset 21 de Sourate Al-Ahzab, Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. C'est lui notre modèle, sallallahu alayhi wa sallam. Car il est le meilleur des modèles. C'est le meilleur des hommes. Et c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme guide pour l'humanité. Donc le musulman, il se doit de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve donc ce que l'on a mentionné tout à l'heure à travers cette double attestation qui est le premier pilier de l'islam, que l'islam consiste à vouer un culte exclusif à Allah et à suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième pilier est l'accomplissement de la prière, qui est le pilier le plus important de la religion après les deux attestations de foi. Donc celui qui délaisse ce pilier, qui n'accomplit pas la prière mais la délaisse totalement, tout en ayant connaissance de son obligation, mais qui ne prie jamais, qui ne s'incline jamais pour Allah, ne se prosterne jamais pour Allah, alors celui-ci, il n'est pas musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, l'engagement qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. Celui qui la délaisse a certes mécru. Celui qui ne prie jamais, qui ne fait aucune prière, quelle qu'elle soit, comment peut-il dire ensuite « je suis musulman » alors qu'il a délaissé volontairement le pilier le plus important de la religion après les deux attestations de foi. Vient ensuite l'acquittement de la zakat obligatoire, qui est souvent mentionnée dans le Coran avec la prière. Et celui qui renie l'obligation de la zakat, celui-ci n'est pas musulman. Quant à celui qui reconnaît son obligation, mais la délaisse par avarice, alors celui-ci est en grand danger. Et il commet en cela un grave péché pour lequel le gouverneur musulman est en droit de le combattre, comme l'a fait Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, avec ceux qui refusaient de verser la zakat. Le quatrième pilier, le jeûne du mois de Ramadan, qui également fait partie des fondements de cette religion. Celui qui renie son obligation n'est pas musulman. Quant à celui qui reconnaît son obligation mais le délaisse par paresse ou par suivi des passions, alors celui-ci, bien qu'il soit musulman, il est en grand danger, il commet en cela un grave péché. Et le cinquième pilier est le pèlerinage de la maison, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque, pour celui qui en a les capacités, qui est une obligation pour tout musulman qui en a les capacités une fois dans sa vie, comme cela est venu dans les textes. Et le détail de ces piliers, il est étudié dans les livres de jurisprudence. Mais ce qui est visé ici est simplement de savoir que ces cinq piliers définissent l'islam dans son sens particulier, c'est-à-dire la religion par laquelle a été envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman, il se doit de concrétiser ces piliers. Le plus important, le plus immense et la priorité, ce sont les deux attestations de foi. Puis vient ensuite la prière, qui est le pilier le plus important de l'islam après les deux attestations, puis la zakat, puis le jeûne de Ramadan et enfin le pèlerinage. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un deuxième hadith et il a dit: on trouve aussi dans le hadith authentique, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, la parole suivante remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam: le musulman, le muslim, celui qui se soumet, est celui dont le musulman est à l'abri de sa langue et de sa main. C'est-à-dire celui dont le musulman est à l'abri des méfaits de sa langue et des méfaits de sa main. L'auteur, rahimahullah ta'ala, à travers la mention de ce hadith, il a voulu nous démontrer que l'islam ne se limite pas à ces cinq piliers. Bien que ces piliers en soient la base et le fondement, l'islam englobe, de manière plus générale, toutes les œuvres, tous les actes, toutes les paroles qui ont été ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala ou qui ont été ordonnées par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces ordres, il y a certains actes, certaines œuvres qui sont obligatoires et d'autres qui sont recommandées. Et toutes font partie de l'islam. Certaines œuvres font partie de la perfection obligatoire de l'islam, à l'exemple de la prière, et d'autres font partie de la perfection recommandée. Donc on voit dans ce hadith que le musulman, le musulman, celui qui se soumet réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. C'est-à-dire qu'il ne leur cause aucun tort, aucun préjudice, aucune nuisance avec sa langue ni avec sa main. Et celui-ci est le musulman d'un islam complet. Celui qui a perfectionné son islam. Quant à celui qui cause du tort aux gens avec sa langue, que ce soit par la médisance, la calomnie, le colportage, le mensonge, le dénigrement, le rabaissement, les insultes ou autres, ou qui leur cause du tort avec sa main, en leur portant atteinte physiquement, ou en portant atteinte à leur bien, ou autre chose semblable, alors celui-ci, nous ne disons pas qu'il n'est pas musulman, nous ne disons pas que ce n'est pas un musulman, mais c'est un musulman qui n'a pas atteint la perfection de l'islam. Son islam est défaillant. Il a des manques dans sa pratique de l'islam. Car celui qui se soumet réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'utilisera ses membres et parmi eux la langue et la main que dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis. C'est cela la réalité de l'islam. C'est que tu comprennes que tu es un serviteur d'Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé de ses bienfaits, t'a comblé de ce corps, pour que tu l'utilises dans son obéissance. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tu n'as été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette langue et ces mains, tu ne dois les utiliser que dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis. En les utilisant dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, par le dhikr, la récitation du Coran, l'enseignement de la science profitable, le fait de prononcer des belles paroles à ses proches, à ses parents, à son conjoint, son épouse, son mari, à ses enfants, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie des œuvres de bien que tu peux faire avec ta langue, en prononçant des belles paroles. Et également en prononçant des paroles qui sont permises. Il n'y a pas de gêne en cela, tant que celles-ci ne comportent pas d'interdit. Et également tes mains, tu les utilises dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne touches avec ces mains que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de toucher. Et tu ne commets pas d'interdit avec ces mains. C'est cela la réalité de l'islam, c'est-à-dire l'islam complet, l'islam dans sa perfection. Quant à celui qui utilise sa langue ou ses mains dans les interdits, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas permis, alors plus il commet d'interdits avec sa langue et avec ses mains, plus sa part d'islam diminue. Car le vrai musulman, celui qui atteint la perfection de l'islam, et celui dont les musulmans sont à l'abri des méfaits de sa langue et des méfaits de sa main. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un troisième hadith et il a dit: d'après Bahz ibn Hakim, d'après son père, d'après son grand-père, qui rapporte avoir interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam, et il lui a dit: l'islam est que tu soumettes ton cœur à Allah et que tu orientes ton visage vers Allah, que tu pries les prières obligatoires et que tu t'acquittes de la zakat obligatoire. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Donc on retrouve dans ce hadith le sens mentionné dans le verset, c'est-à-dire que l'islam est que tu soumettes ton cœur à Allah, qu'intérieurement tu sois soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, que ton cœur soit lié à Allah, que tes intentions soient pour Allah, que tes adorations soient vouées à Allah, que ta peur, ton espoir ne soient voués qu'à Allah, que ta confiance soit placée en Allah, et ainsi de suite, parmi les œuvres du cœur. Ton cœur, tu le soumets à Allah, c'est ça la réalité de l'islam. Et que tu orientes ton visage vers Allah, c'est-à-dire que tu te soumettes également de manière apparente à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la réalité de l'islam est que tu te soumettes à Allah aussi bien en apparence que dans ton for intérieur. Et cette soumission apparente, elle va se manifester notamment par l'accomplissement des prières obligatoires et l'acquittement de la zakat obligatoire. Donc on voit qu'on retrouve dans ce hadith les trois premiers piliers de l'islam, qui sont les plus importants. Les deux attestations de foi, l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat. Et ce comme dans un autre hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, dans lequel Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, au Yémen en tant que prédicateur, il lui a dit que la première chose à laquelle tu appelles les gens soit l'attestation qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. S'ils t'obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah a prescrit pour eux 5 prières de jour et de nuit. S'ils t'obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah a prescrit pour eux une aumône qui est prise de leurs riches pour être donnée à leurs pauvres. Donc, on voit également dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné trois des piliers de l'islam qui sont les plus importants: les deux attestations de foi, l'accomplissement des 5 prières quotidiennes et l'acquittement de la zakat. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un quatrième hadith dans lequel on retrouve le sens des deux hadiths précédents. Il a dit d'après Abu Qilabah, d'après un homme des gens du Sham, d'après son père qui rapporte avoir interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui avoir dit: qu'est-ce que l'islam? Donc on voit qu'il interroge au sujet de l'islam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam le définit? Il dit: c'est que tu soumettes ton cœur à Allah et que les musulmans soient à l'abri de ta langue et de ta main. Donc l'islam, comme on a dit, c'est que tu soumettes ton cœur à Allah, que tu voues l'ensemble de tes adorations à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la base de l'islam. Celui qui n'a pas compris cela, il n'a pas compris ce qu'est l'islam. Le message principal de l'islam, il se retrouve à travers ces mots: que tu soumettes ton cœur à Allah, c'est-à-dire que tes adorations soient vouées exclusivement à Allah et que tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ensuite, il dit que les musulmans soient à l'abri de ta langue et de ta main. Comme on a dit, ceci fait partie de la perfection de l'islam. Celui qui cause du tort aux musulmans avec sa langue ou avec ses mains, celui-ci, il a un manque dans son islam. Son islam est défaillant. Mais la perfection de l'islam est que les musulmans soient à l'abri des méfaits de ta langue et de ta main. Ensuite, il l'interrogea: et quel est le meilleur islam? Il répondit: c'est al-iman, c'est la foi. Il lui dit alors: et qu'est-ce que la foi? Il lui dit: c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et en la résurrection après la mort. On voit donc à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la foi comme étant le meilleur islam. Et comme on peut le retrouver dans le hadith d'Ibril alayhi salam, la foi est d'un degré supérieur à l'islam et c'est une chose plus particulière. Et il a mentionné ici 5 des piliers de la foi. Et on retrouve le 6e dans le hadith d'Ibril qui est la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc ces piliers, ce sont les piliers de la foi. Mais la foi ne se résume pas à cela seulement. Bien sûr, c'est cela qui est le plus important. La foi en ces 6 piliers. Mais elle a également des œuvres et des actes qui sont obligatoires et d'autres qui sont recommandés. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, D'après Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, la foi est composée d'un peu plus de 70 branches, ou un peu plus de 60 branches. La plus haute est la parole « La ilaha illallah ». Ceci est le plus haut degré de la foi, l'attestation de foi, celle sur laquelle repose la validité de l'ensemble de tes œuvres. J'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah. C'est-à-dire que tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et que tu affirmes qu'Allah est le seul en droit d'être adoré. Ceci est le plus haut degré de la foi. Ensuite, il dit la plus basse est le fait de retirer un objet gênant de la route. Et la pudeur est une branche de la foi. Donc on voit à travers ce hadith que l'ensemble des actes d'obéissance font partie de la foi, que ce soit des paroles ou des actes. Donc la foi, ce n'est pas seulement la croyance du cœur, mais la foi, c'est également des actes. Car elle a été définie comme étant une parole de la langue, une croyance du cœur et une œuvre du corps. Elle augmente par l'obéissance et elle diminue par la désobéissance. Telle est la définition de la foi. Elle est parole de la langue, croyance du cœur, œuvre du corps. Elle augmente par l'obéissance. Plus tu fais des actes d'obéissance, plus ta foi augmente. Et elle diminue par la désobéissance, c'est-à-dire par les péchés. Plus la personne fait des péchés, plus sa foi diminue. Telle est la définition de la foi, comme l'ont mentionné les gens de la sunna et du groupe. Et celui qui concrétise cela, il aura alors concrétisé la réalité de l'islam. On a donc terminé avec cela, ce chapitre sur l'explication du sens de l'islam. Et on verra dans le cours de demain les chapitres suivants, dans lesquels l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a démontré que la seule religion acceptée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est l'islam. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on verra la suite dans le cours de demain, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.